Il vous racontera ça, tiens, oui. Voilà, ça vous fera un début d'émission. Je vais lui demander, Julien, je vais lui demander. Ça fait un peu privé de joke, mais vous allez voir, raconté par lui, c'est beaucoup plus drôle. D'accord. Merci, bonne émission, journée. Laurent Gérard et l'invité de Stéphane Bern. Donc, une bonne raison de rester sur RTL, où vous écouterez tous les programmes de la journée, nous sommes là pour vous régaler. À demain, 9h30. What's the sense in sharing this one and only life? Et puis, il est 11h. Nous retrouvons Bénédicte Tassard sur l'antenne d'RTL. Rebonjour Bénédicte. Rebonjour et rendez-vous sur le site RTL.fr pour la question du jour. Y a-t-il une dérive totale du mouvement des Gilets jaunes, comme le pense Christophe Castaner? Le ministre de l'Intérieur pointe ce matin une radicalisation. 6 mois avec sursis pour un automobiliste qui avait renversé un policier sur un barrage de Gilets jaunes. Une décision du tribunal correctionnel de Grasse. Le conducteur pris à partie par une cinquantaine de Gilets jaunes qui auraient secoué sa voiture aurait paniqué. Le fonctionnaire de police est légèrement blessé. Hier soir à Strasbourg, c'est un gilet jaune qui a été condamné à 4 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Il avait formé une chaîne humaine sur l'autoroute A35, étant le seul à posséder déjà un lourd casier judiciaire. Il vient donc décoper de cette peine pour mise en danger de la vie d'autrui et entrave à la circulation. À La Réunion, nouvelle nuit de violence. En marge de ce mouvement, un couvre-feu partiel a été instauré sur la moitié du territoire. Les écoles sont restées fermées. Il y a interdiction de circuler dans 12 communes de Lille entre 21h et 6h du matin. Des membres des collectifs des Gilets jaunes seront reçus cet après-midi en préfecture. Il y a 35 barrages à La Réunion. Et puis, en ce moment, en métropole, des lycéens se joignent au mouvement. À Salon de Provence, ils bloquent le lycée de l'Emperry. Il y a les Gilets jaunes, il y a aussi les infirmières dans la rue aujourd'hui. 16 de leur organisation dénoncent une profession laissée pour compte. Reconnaissance de leur profession, de meilleures rémunérations, renforcement des effectifs. Une vingtaine de rassemblements est prévue à partir de 14h dans tout le pays, devant les préfectures et à Paris, devant le ministère de la Santé. Le titre Renault s'enfonce encore aujourd'hui à la Bourse de Paris, moins 4%, moins 8% hier après l'arrestation et la garde à vue de son président Carlos Ghosn hier à Tokyo. Le conseil d'administration se réunit ce soir. À Bercy, le ministre de l'économie Bruno Le Maire demande l'installation d'une gouvernance intérimaire. Les courses, c'est à Chantilly cet après-midi et voici les pronostics de Claude Piersanti. Mais attention, le 7 qui était la dernière minute de Claude est non partant. Alors voici les pronostics. C'est raté. Mais vous avez encore un peu de temps pour aller jouer. Allez, il faut rectifier ça. On vous donne donc ces pronostics. Le 6, le 12, l'As, le 5, le 11, le 9 et le 10. La météo pour cet après-midi. Des giboulées des côtes de la Manche au Jura, un coup de tonnerre et des averses dans le sud-est. Des pluies qui s'estompent au nord de la Seine ce soir, sauf en Normandie, où la neige remplacera à nouveau les averses. Les températures, 4 degrés à Lille, Amiens et Paris. Cet après-midi, 5 degrés à Sedan.